Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. Skyrock. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, c'est Planet Rap Niro sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Niro, notre invité toute la semaine. Salam à tous. Quelques jours avant la sortie, le 6 novembre, nouvel album de Niro dans les bacs. Nouvel album de Niro dans les bacs. Ça va ? Le 6 novembre, ça va et toi Fred ? Alors la journée bien passée ? La journée bien passée, promo, le 6 novembre, si je me souviens. Si je me souviens, d'ailleurs est-ce que tu veux expliquer le titre de cet album, si je me souviens ? Pourquoi est-ce que d'un seul coup il t'est paru évident d'appeler cet album, si je me souviens ? Bah parce qu'il faut se rappeler d'où on vient, où on va, voilà. Il faut se rappeler d'où on vient. Très bien, donc c'est la définition de cet album. Ouais, voilà. Qui est apparu à quel moment où tu t'es dit c'est celui-ci, beaucoup, je vais l'appeler. Ouais, c'est beaucoup. Bah, parce que j'ai fait un morceau qui s'appelle Si je me souviens, et dedans, je parle un peu de tout ce qui m'est arrivé, enfin, de tout ce que. Du parcours, quoi, que j'ai pu avoir dans, dehors ou dans la musique. Donc voilà. Et ben on fera tout à l'heure d'ailleurs un petit questionnaire si je me souviens. Ça, ouais, ça résumait bien en fait l'album, voilà. Nous on fera un petit questionnaire, je te poserai des questions autour de si je me souviens, tu répondras tout à l'heure ou pas. Ok. Ce sera avant la fin de l'émission et puis on passera d'ailleurs aussi, je crois, le morceau si je me souviens ce soir. Ouais, on va passer ce soir si je me souviens. Un gros classique du rap français, vous êtes même pas prêts du tout. Voilà, pour moi c'est un de mes morceaux préférés de l'album. Donc préparez-vous, voilà, grosso modo. Préparez-vous. Ce sera avant 21h, l'équipe de Street Lourd est là comme d'hab. Hein. Oui, Teddy Corona, Moscou. Teddy Corona, Moscou, Staflo qui est dans le coin. Ce soir, on a des invités, on a Monsieur Layen qui est là avec nous ce soir. Layen Bolabé. Eh bien, on le présentera dans un instant, ne bougez pas, juste avant, on débute avec Le Ciel est ma limite. Ouais, ouais. Allez, coup d'envoi de ce Planet Rap de Niro maintenant. Ouais, ouais. 6 novembre dans les bacs. Des fois je me pose des questions bêtes. Est-ce que le ciel est ma limite? Encore un de mes potos qui a fait une dinguerie. Repéré puis déféré. Toujours les mêmes histoires. Fierté et conflits d'intérêts. Ils veulent savoir ce qui se passe sous mon béret. Combien de sous j'ai récupéré. J'ai tellement galéré, du mal à me tempérer. Mais t'inquiète, j'ai serré. Pointé du doigt depuis petit feu. C'est nous les enfants terrés. On fait connaissance avec la faucheuse de 50 sur les périls. Surveille les intempéries, cousine c'est pas la mairie. Je vais m'acheter les ça suffit, je me marie pas la mairie. Si comme nous t'es issu de la zermie, tu seras jamais mon ennemi. J'ai taffé de moi dans ma vie, si jamais touché les rémines. Des fois je me pose des questions, mais est-ce que le ciel est ma limite? Quelle est la différence entre cérébraux arrachés et l'un d'allumé? J'ai besoin d'un aller-sol, j'ai besoin d'un alibi. J'calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'un alibi. Pour toi j'ai besoin d'un alibi. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes feux. Est-ce que le ciel en fin d'un nuit? J'écris jusqu'à l'eau. La concurrence n'a pas fait son deuil. Genre d'un cauchemar, je me lève dans un autre. L'impression que je passe à la saison 2. Accompagné même si je parie seul. Je suis de ceux qui se taisent pour faire parler d'eux. Que des enfants n'attendent pas. Par ici, y'a pas de lové, je deviens paresseux. Ben ouais, mon ami. Cavalé après les miennes. Pour toi, ça le 6 novembre, si je me souviens. Les anciens ont pris les pépettes. On arrive après la fête, Zoulou. J'ai appris en grandissant alors. Je suis devenu intransigeant, le rap, c'est bien tigeant mais salope. J'arrêterai pas dans 10 ans, ben ouais mon ami. Les gens se lèvent, je suis encore plus beau avec la veille. Le soir à fond dans la gomba, je me brûle les doigts avec le cul de la veille. Je me brûle les doigts avec mes lovas au collège, au lycée, mauvais élève, celui qu'on surveille. Une arme blanche cachée dans mon survêt, toujours prêt à faire des putains de trucs. J'ai besoin d'un aller-sain, j'ai besoin d'un alibi. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'alibi. Pour toi j'ai besoin d'alibi. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? Le ciel est ma limite. J'ai besoin d'un alibi. Je calcule pas ce qui nous ralentit. Pour toi j'ai besoin d'alibi. Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? Est-ce que le ciel est ma limite? Casser les portes de la réussite. Mais avant il faut que je fasse mes preuves. Est-ce que le ciel est ma limite? Le 6 novembre si je me souviens. Père à tous les frères enfermés. Moha. Wesh Arthur. petit chacal. Oh les beaux maîtres, Fleury, Nanterre. C'est Niro, notre invité toute la semaine, entre 20h et 21h. Si je me souviens, ça arrive le 6 novembre déjà, on précommande dès maintenant. Tout à fait. On peut y aller, on peut aller cliquer. Je rappelle aussi que vous pouvez joindre Niro à n'importe quel moment, 06 71 74 84 15. Ouais, mais évitez d'appeler d'une cave ou d'un truc chelou, parce que je vous entends très mal. C'est toi qui avais un problème de fluide hier. Non, même pas, c'est là tout de suite, je viens de répondre là, hors antenne pour parler avec... Et alors ? Avec un frérot, bah, la musique à fond derrière... J'essaie de parler, je parle avec le poste radio. Bon, en même temps, ils écoutaient le très fort Le Ciel est ma limite, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est un très gros single. 6 novembre, dans les bacs, à pas louper. 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. Présente-nous un peu ton invité ce soir, s'il te plaît, Niro. Alors, c'est Monsieur Layen de Champigny, Bois l'Abbé, du groupe 400 Yens. Un mec qui a sorti de nombreux projets depuis un certain nombre d'années et qui est aujourd'hui est sur Street Lourd 3. C'est un frérot, c'est un mec du Bois l'Abbé. Voilà, il est là avec nous ce soir. Bonsoir. Ça va bien ? Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais. Ça va et vous ? Bah écoute, en pleine forme, bienvenue dans ce Planet Trap avec Niro. Ok, merci. Donc l'actu pour toi en ce moment, c'est. Là, je viens de sortir un album que j'ai fait gratuitement, je l'ai offert sur hauteculture.com. Mmh. Ça s'appelle Ma Violence Volume 2, voilà, fallait le pécho, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Sinon là, je viens de poser sur l'album de RWH2F, donc Lord of Game là qui sort le 4 décembre. Mmh. Et ça va être lourd. On attendra ça donc pour le 4 décembre. C'est un artiste très talentueux, on respecte beaucoup. Paix à tous les frères du Bois l'Abbé. Il y a un morceau d'ailleurs qu'on écoutera en commun avec vous deux qui s'appelle On a passé l'âge. Ouais, voilà, On a passé l'âge qu'on a envoyé pendant l'été. Pour ceux qui connaissent pas, allez cliquer, c'est du lourd. On va vous envoyer le morceau, il y a le clip qui circule déjà sur YouTube. On passera dans un instant, le temps que Moscou se prépare d'ici quelques minutes. Ouais. On pourra découvrir si vous connaissez pas encore ce morceau, ce titre, On a passé l'âge. Ce sera tout à l'heure. C'est du très très sale, j'ai eu des très bons retour sur ce morceau, vraiment. Et là, il commence vraiment à prendre. Je l'entends un peu partout, ça fait plaisir. Voilà. Layen avec nous. Voilà. Et le clip est en ligne, faut le souligner. Et le clip est en ligne. Street Lourd 3 arrive en 2026, comme on a dit hier. Voilà. Ouais, je vais faire une grosse dédicace à mes frérots du Bois l'Abbé et à mon poteau Blaguette. Et je voulais dire aux auditeurs aussi un petit message. C'est bien beau, vous cliquez, vous partagez, tout ça, vous donnez la force sur les réseaux sociaux. Niro, on sait que c'est le meilleur de sa génération, il n'y a pas de souci avec ça. Mais allez soutenir, allez vraiment acheter l'album. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on soutient un artiste, tu vois. Parce que c'est un mec qui ne fait pas le taf à moitié. Et ça, faut lui donner la force. Faut se déplacer. Ton petit billet que t'as mis dans ta poche, la rapace, la plie en mille, sort. Et tu vas l'acheter pour lui. Voilà, tu vas acheter l'album. Là, c'est normal. Force à tous ceux qui vont précommander ou acheter l'album. Force à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci, Layen, mon frère. Avant de passer ce morceau et avant de faire aussi ce petit jeu qu'on va faire ensemble, Niro, si je me souviens, le quiz, si je me souviens, ouais. On va écouter un morceau qui s'appelle Bah ouais, mon ami. Allez, c'est parti. Le 6 novembre, si je me souviens, dans les bacs. Zoulou. Je crois que vous avez oublié. Pas amplégique. Éducation miraculée. Si je me souviens, le 6 novembre. Zoulou. J'aurais mieux fait. J'ai kické, j'ai vu. J'ai compris que j'étais pas comme eux quand je les ai vus. Tu sais, des bites et des bites, là j'ai tilté. Les sons pipés, les jeux sont truqués. Moralité. Après miraculé, je suis trop enculé. Va te faire enculer par Laurent Ruquier. La vie ça donne des vapeurs, de quoi halluciner. La plupart de tes rappeurs t'ont baratiné. Tu t'es fait lever à l'aube début de matinée. T'arrives en cellule, t'arrives à l'heure de dîner. C'est baisé, je suis léger mais je veux peser. Proposez-moi des lovés, j'ai des projets à déposer. J'ai creusé, à foncer entre moi et la relève. Mauvais élève, demande-moi pas tous les défauts. Faut que faire la queue dans les boîtes de TAM. J'suis bousillé. Sinon va. Je le répète, c'est dans les bacs si je me souviens, Zoulou. Tu veux briller, tu finis à affaler comme Jack Mary. Sauf que toi, demain, on va t'oublier. Ouais. On m'a baisé sa mère. Le rap game, je vais baiser sa mère. Je fais du rap hétéro, tous ces ML veulent se pousser la merde. Ils veulent tous la même. Poto, crois pas qu'ils nous c'est la même. Je maîtrise le truc, j'ai tous les paramètres. Niro, t'es relou, faut pas qu'on te ramène. Partout, vous allez vous foutre la merde. Mais ouais mon ami, t'as donné ça petit bâtard, c'est tard la nuit, je remets tout à jour. Pour qu'on t'envoie des claves des zéros, autrement dit des millions d'euros. Là c'est de la fin ou de la gourmandise, là c'est Nordino et Nidero, ben ouais. Ah maman, ti amo. Et si on m'a tout compris dans la souffrance, tire les pénaltys, les corners et les coups francs. La jalousie les tue à tout ce qui me rend souffrant. La jalousie les tue à tout ce qui me rend souffrant. Les ratailles se taillent, les vrais qui restent. Tu me donnes du bif, espèce de suspide. Si je te croise à la direct, je te roule dessus direct. Je suis dans les prises de tête, j'ai jamais mis mon nez dans la houppette. Vous allez retrouver vos carrières de merde découpées en vie dans un sac poubelle. Depuis que j'ai sorti vivant street, les salopes augmentent le prix. Tu veux réussir, ok, ça tech. T'as un gros cul, mais il manque le eh. Salope, y'en a qui soutiennent que pas intérêt. Qu'ils soient bons ou pas, je peux plus les voir. Ils veulent que c'est rêve, mais à tes soirées, ils te ramènent que dalle, que des plans foireux. Gros, qu'est-ce que tu veux? Je les ai vus venir depuis la couveuse. Ils veulent tous partager. Si je me souviens, le 6 novembre, pour eux. Chacun sa route, nique vos mères. Les grands bonheurs. Eh voilà, maman, t'as raison. Un spécial à Meriem. Ouais. Je pense à ceux qui sont pas en vie, puis aux mecs qui nous envient pas. J'ai eu beau chanter, follow me, bas les couilles si tu nous suis pas. Ouais, chasseur. Je vais te balle après la joue. J'ai un ennui, ça petit bâtard. C'est à dans la nuit que je remets tout un jour. Mon compte en banque réclame des zéros. Autrement dit, des millions d'euros. Là c'est de la fin ou de la gourmandise. C'est Nordino, N-I-R-O. Ben ouais mon ami. Ben ouais mon ami. Aïe. Ben ouais mon ami. Ben ouais mon ami. Ben ouais mon ami. Ben ouais mon ami. Ben ouais mon ami. Eh le 6 novembre. Ben ouais mon ami. Roulez. Bah ouais mon ami à l'instant. C'est un morceau que vous retrouvez sur le projet de Niro qui sort le 6 novembre prochain. Ouais, ouais. Si je me souviens. Ouais, ouais. Niro, petit questionnaire si je me souviens. Tu vas voir, c'est très simple. Je fais le début de phrase comme si j'étais Niro, mais tu conclus la phrase. Très bien. Par exemple, c'est simple. Si je me souviens, la première fois que je rappais, c'était. La première fois que j'ai rappé, c'était. C'était avec Mounaïm. Voilà, qui a disparu depuis 2003. Donc, force à sa famille. On ne sait pas où il est. D'ailleurs, s'il y a des gens. A disparu dans ouais, le sens ouais, disparu pour de vrai disparu frérot. Donc voilà, c'est lui qui m'a appris à rapper, qui m'a donc voilà, c'est avec lui que j'ai rappé. C'était du côté de Blois par ouais, voilà, depuis 2003. Donc depuis 2003. Ouais, voilà. Si je me souviens Père Rachid, Père Samir, excuse-moi frérot. Vas-y. Père Rachid, à Samir, à toute la famille là, Dadji, Père à vous. Si je me souviens bien la première fois que j'ai croisé la police, c'était je les ai croisés tôt moi. Mais je pourrais pas te dire quand, voilà. Pourquoi, ouais, la première fois que j'ai croisé la police, je me suis dit, c'est ça la police. Voilà, pour finir ta phrase. Voilà. Si je me souviens bien, à l'école, j'étais plutôt. J'étais plutôt bon, mais un peu trop turbulent. Ils en avaient trop marre de moi, donc ils m'ont arrêté avant que j'arrête. Ah, c'est eux qui ont décidé, qu'ils se sont dit à moi. Ouais, ils ont décidé, ils se sont réunis, ils ont dit non, lui c'est bon. Et t'as fait quoi alors quand ça s'est arrêté? J'ai obligé de te le dire ou... Non, mais t'es pas obligé. Bon, voilà. Tu peux très bien de me dire, je m'en souviens plus. Je me suis très bien, je me suis débrouillé, comme je l'ai pu, voilà. Si je me souviens bien, mon enfance, elle était... Elle était pas toujours joyeuse, mais j'en garde de bons souvenirs. Si je me souviens bien, la première fois que j'ai vu mon album, Ma tête dans les bacs. J'étais content, j'ai dit putain enfin on va tout niquer sa mère. Et j'étais content, je me suis dit putain c'est une belle revanche. C'est vrai, c'était un moment important. Ouais, c'était un moment important. Bah c'est, j'ai concrétisé un peu ce que je voulais faire depuis un certain nombre d'années, voilà, au travers des frérots de Street Lourd. Je suis rentré dans l'équipe, j'ai intégré l'équipe des Power Rangers. Donc voilà, ils m'ont donné l'occasion de pouvoir m'exprimer aux yeux de la France. Voilà. Bon, et puis si je me souviens, pour conclure là-dessus, mon album sortira donc le 6 novembre, Inch'Allah, à Ville Pécho. C'est de la frappe. Et comme le disait Layen qui est là aussi avec nous ce soir, il faut pas louper. Il faut aller supporter, il faut aller soutenir. Ouais, voilà, les soutiens mythos, on vous a vu. Hein. Arrêtez un peu. Ça commence hashtag... à faire chier, ça fait un certain. Bon, premier album, on n'a rien dit. Deuxième, troisième, là c'est bon, ça commence à faire trop là. Non, force à tous ceux qui au moins font tourner les choses. Force à vous, voilà. On n'a pas tous délové, donc le soutien, tant qu'il y a du soutien, alhamdoulilah, on s'en fout, le reste c'est rien. Force à vous. C'est le 6 novembre dans les bacs, en tout cas, à pas louper. On va peut-être écouter ce morceau de Street Lourd 3 maintenant, ouais. Moscou, si tu es prêt. On a passé l'âge. On a passé l'âge, c'est un morceau, donc le clip, ça a été fait en Alien aussi, pareil. Ouais, ouais, on a fait ça. On a sorti ça cet été. On a passé l'âge. Et une spéciale à Blaguette, mon frère. Ouais, ouais, Blaguette. Qui est dans les embouteillages, enfoiré. Ah ouais. Wallah, Ross, t'as vu. On l'a dit, croyant du 7-7 ou pas. Moscou. Il doit être mort de. Ouais, ouais, ouais. Ah. Lion, Niero, Champigny. Ouais. Bois la baie, bien l'eau. Kennedy de Long Beach, Coty, ça bouge pas d'un poil. Ouais, ouais. Ouais, gros. Champigny, j'ai vu des types jouer les 6 gros. Les 6 gros se faire affaler par des types et se faire crever pour des. Eh, ma violence est disponible, allez le chercher. Lion. On a passé l'âge. On a passé l'âge. On a passé l'âge. Parce que la vie nous rafale quand j'écris, ça fait pisser le sang. J'ai vu des refrains s'enfourcher pour du cash et laisser l'amitié sur les jambes. J'ai passé l'âge pour les trafics, opère en équipe, bousillé par les substances qui nous fragilisent. Bouffé niqué dans un délire de paro négro, on va tous arroser comme des plantes. Ouais, ouais. On est des fous négros, la hyène. Tu connais le délire, j'ai pas la tâche, je suis sorti du vent de ma mère. Champigny, bois la baie, les boulereaux. Ouais, ouais. On se félicite pour nos crimes et délits. Parce que la vie c'est de la baisse. J'ai vu des bâtards soulever des types un peu comme Hercules sa mère. J'accélère ouais, comme un fucking hustler. Fus laser avec un gros SLR. Les rappeurs sont des salopes qui dansent stringé au Pink Paradise ou un hustler. On a passé l'âge pour tes enfantillages. J'connais la rue gros comme mes cheveux. J'veux pas finir percé. On fait le taf dans le hood sans plaguer. On a pas la gueule à Brad Pitt, ma gueule. On peut te niquer ta mère sans la draguer. Je répète, on fait le taf dans le hood sans plaguer. On a pas la gueule à Brad Pitt, ma gueule. On peut te niquer ta mère sans la draguer. Brutalisé par la vie dans le ghetto, la rapacité dans la tête. Le poil à B, frérot, c'est la hesse. Passe le salam au frère B.L.O.I. Gloire. Avec son père, il en gagne son gloire. Avant de finir dans un bain de songe d'oie. Avant de finir dans un bain de songe d'oie. Laissez du pif à la mif, mon ami. Street Lourd 3, bientôt dans les bugs. En 2027. La ministère m'a laissé sans voix. Qu'est-ce que je vais devenir, va savoir. On a passé l'âge. De faire les gongoles avec l'oseille. Ouais, ouais, c'est l'âge. De se demander est-ce qu'on aura les épaules. Oh là, c'est l'âge. Pour assumer. On a passé l'âge. Après balade, ouais, okay. Ouais. Cadavre après cadavre. J'm'adapte sans les miens, la vie a pas de goût. Comme le riz, il est pas ton gardable. Okay. On a passé l'âge de faire les gogoles. Ouais. Écouter du rap, ça m'intéresse plus. Pour les mettre bien, j'aurais fait ce que j'ai pu. Plus rapper gratuit pour enrichir des buts. Et on fournit que de la rebu. J'converge à tout ça sous votre carré de bulle. Tu verras plus ma gueule dans un arrêt de bus. J'aurais pas de tralice quand tu nous verrais plus. Le goût, l'odeur, la consistance et l'aspect. C'est pas des hommes. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont une légère tendance de t'aspect. J'me demande comment. Descendant, on a passé l'âge. Ouais, ouais, ouais, ouais. Street Lourd 3, les gros. Street Lourd. Voilà, P, 9-4. Ouais, ouais. On a passé l'âge. J'ai vu des types jouer les 6 gros. 6 gros se faire rafaler par des types. Se faire crever pour des billets froissés. Connais la rue et ses mythos. Les fils de pute et les michetons. Du sang sur la montre, tu es le temps dans les délire cramé. Ouais, ouais. Même avec les années qui passent, le succès je m'y habitue pas. Monte le volume. Comme un cancer du poumon dans la vie d'un gars qui fume pas. Et là, t'as tu pas compris. Comment je me vois. Sinalone. Demande à ceux qui m'aiment pas. Si je me souviens. Pas, sur moi, je suis tellement haut qu'ils me font des messes basses. Industriel, cul fermé. Appelle-moi quand ce sera open bar. De toute façon, ils m'intéressent pas. Tant pis pour eux s'ils se reconnaissent pas. On a passé l'âge. Je reste l'âge. De traîner, de faire les gogoles. On a passé l'âge. On a passé l'âge. L'équipe Niro, on vous voit, envoyez vos messages. T'en bouge pas d'un poil. BLO, bois la baie. Ouais, ouais, ouais, mon ami. Dédicace à Street Lourd Family. Ouais. DJ Moscou, Mehdi Corona, Gustave Flo. Et le meilleur de sa génération, N.I.R.O. Ouais, ouais. 6 novembre. 6 novembre dans les bacs, mon ami. Une spéciale à tous les quartiers de France. Marseille, Grenoble, Lyon, Strasbourg. Ouais, ouais, Metz. Le Havre, Nantes, Belle Orléans, Rétetetet. Ouais, Poula. Oh, Moscou énervé. Il est super énervé, Moscou. Il me chauffe le sang. Vous voyez Moscou. Pas les lunettes de. Les lunettes de. De John Lennon. De, ouais, non, exactement. Johnny Depp. Aussi. De John voilà, Lennon. Ouais, la chemise de John Lennon. Ah, d'accord, ok, t'es sur moi. Ok. Très bien. Bon, Street Lourd, Tour, Street Lourd 3, ça arrive quand alors? Bah écoute. En 2026. Parce qu'il a dit 2026, mais. Ça arrivera quand ça arrivera. Mais on est dessus, on travaille, on prépare du lourd. Tout le monde sait quand on sort un truc, c'est lourd. Donc voilà, on prend notre temps, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de planning. Voilà, on fait et quand c'est prêt, on envoie. Le principal, c'est que ce soit de la qualité. Exactement. Voilà. Donc c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Street Lourd, c'est une compilation de référence pour ceux qui ne connaissent pas, pour les petits qui nous écoutent. Voilà, Street Lore, c'est une grosse compilation depuis 2004, ça casse des reins, que des classiques. Donc voilà, le 3 arrive avec des nouveaux visages, que des nouveaux talents. Street Lore, c'est aussi Rebel, une structure que vous avez montée en tout cas. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que Niro que vous développez, que vous allez développer? Est-ce que... Ouais, il développe des artistes pop. Ah, il est sur moi, t'inquiète. Non, pour l'instant, il n'y a que moi. Je suis jaloux, moi. Je suis un jaloux. Non, bah, partagez en fait. Non, mais on est ouvert, hein, t'as vu, tu connais. Hein, si on... Non, pour de vrai, s'il y a des vrais gens qui ont des vrais trucs, envoyez, on est attentif. C'est aussi le principe de Street Lourd, c'est aussi découvrir des nouveaux talents, c'est les associer avec des artistes un peu plus confirmés. C'est ça, c'est ce qu'on a fait. On a commencé comme ça avec la première compile, donc c'était mélanger un peu les têtes d'affiche avec des nouveaux. Ce qu'on a fait sur le 2 aussi, ce qu'on va faire sur le 3, pareil quoi. Donc c'est en cours à suivre pour 2016. Les mois à venir. Comme ça on va rester assez large. Et le morceau qu'on écoutait, c'est avec Layen qui est aussi présent ce soir avec nous aussi. Layen qui lui a sorti un projet gratos qu'on peut trouver sur Haute Culture. Ouais, hauteculture.com. Ça s'appelle Ma Violence Volume 2. Voilà, faut pécho, voir ce mais que ça. Mais essayez de vous pencher un peu sur la carrière du frérot Layen. Il a sorti beaucoup de CD. C'est pas un petit, il sort pas d'un buisson. Exactement, il vient pas d'arriver. Tu confirmes, yens. Tu ne t'es pas caché dans un buisson. Non, j'ai fait l'école dans un buisson. Ouais, c'est ça. Mais après, je sortais rapé de temps en temps. Un buisson ardent, quoi. Layen avec nous et Niro. Dans un instant, il y a un titre inédit qu'on va passer qui s'appelle Si je me souviens. Ouais, c'est. Qui est aussi un titre important puisque c'est. C'est. Pour ceux qui écoutent. Ouvrez grand vos oreilles parce que ça va faire vraiment très très mal. C'est vraiment un vrai classique du rap français, comme il y en a très peu aujourd'hui. Moi je suis très fier de ce morceau, sans prétention. Bien, on pourra le découvrir dans un instant. On passera aussi Haut les mains. Ouais, Haut les mains là. Ouais. Souleymane Beat. Voilà. Et puis la roulette qui tournera d'ici une petite demi-heure, inscription 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Allez-y, 41759, prénom, numéro de téléphone. On fera tourner ensemble la roulette, bougez pas. Niro de retour avec notamment le titre Haut les mains, c'est juste après ça. Showtime! Niro, Planet Rap. En direct sur Skyrock. Let's go! Après le son de Lefa, on retrouve Niro entre 20h et 21h dans Planet Rap. Et pendant la pub et pendant le son de Lefa, des t-shirts sont arrivés comme par magie. Ouais. Dans ce Planet Rap, les fameux t-shirts collector Street Lourd. En fait, les t-shirts, le jeu, il est simple. Alors, il faut un petit jeu, oui. Si vous voulez ces t-shirts, vous pouvez les mater tout de suite, hein, skyrock.fm, voilà. Sur l'application. Sinon, je vous les décris, ils sont noirs avec évidemment le logo Street Lourd dessus. Voilà. Pour ceux qui nous écoutent avec uniquement à la radio. Avec des battes de baseball pour les gens énervés. Tiens, Niro, soit tu mets ton casque, soit baisse le son, s'il te plaît. Sinon, on va avoir un petit problème de l'arsène. Merci. Ok, donc le concours, il est simple. C'est pas un concours, c'est un petit jeu qu'on a décidé de faire entre nous. On va donner des t-shirts à ceux qui le méritent. Donc en l'occurrence ceux qui ont acheté la trilogie plus précommandé si je me souviens le prochain album. Pour les vrais fidèles supporters qui nous suivent depuis le début, voilà. Envoyez vos photos, le premier, on lui envoie un t-shirt. Voilà, ceux qui ont tout fait, ils ont leur petit t-shirt lourd. Donc, pour représenter chez eux. Donc si vous avez un album, on leur enverra un album aussi. La trilogie de Niro, vous la photographiez. On leur envoie même la trilogie s'il faut. Et vous ajoutez en plus la précommande de l'album. Dédicacé. Vous repartez, alors c'est un beau cadeau. C'est lourd là, j'ai changé. J'ai changé le jeu en direct là. Donc il y a t-shirt. T-shirt, il y a la trilogie. La trilogie. Plus, si je me souviens, dédicacé. On leur envoie à la sortie de Si je me souviens, ils l'auront chez eux. Et avec le t-shirt, et voilà. Alors pour balancer tout ça, c'est simple, hein. Soit avec le hashtag Skyrock, ça arrive directement dans le studio, soit sur skyrock.fm, vous pouvez balancer directement les photos, ou alors vous nous envoyez ça aussi via l'adresse de Planète Rap, hein, qui est planeterap@skyrock.com, ouais, ouais, pour nous envoyer toutes ces photos, ou du moins la photo avec la trilogie suprême et la précommande de l'album. Voilà, c'est ça. Et pas des photos mytho que t'as pris sur internet, je veux voir ta grosse tête dessus sur la photo. Voilà. Moscou, voilà. Je crois que tu avais quelques dates devant toi que tu voulais annoncer pour retrouver Niro. Exactement. Donc on sera le 7 novembre à La Roche-sur-Yon au Club 36. Ouais, Club 36 qu'on a déjà fait d'ailleurs. Voilà, c'est chaud là-bas, c'est bien. C'est bouillant. Le 14 novembre à Lyon au Night Club. Voilà, le 21 novembre au Havre. Alors au Havre, on va faire un concert à la salle Tetris. Et après un showcase en boîte au Club W. D'accord, donc deux fois plus de raisons de voir Niro. Exactement, du côté du Havre. Les gens du Havre, vous n'avez pas le droit de louper. Soit l'un, soit l'autre, vous êtes là. Le 27 novembre, on sera à Genève au MAD. Et le 6 décembre à Bienne, on vous donnera la salle demain. En Suisse. En Suisse, voilà. Et bah allez-y. Allez faire un tour pour retrouver Niro près de chez vous, soit en showcase, soit en concert. Ouais, ouais. Et puis toutes les dates aussi sur les réseaux sociaux. Exactement. Avant de faire une spéciale à Calo, qu'est-ce qui se passe de Suisse, il se reconnaîtra. Voilà, Calo. Avant de faire le freestyle par téléphone, Niro, on avait dit qu'on mettait haut les mains. Ouais, ouais, haut les mains. Un inédit qu'on a envoyé hier. Une frappe sous les man beat. La violence. C'est voilà. Parti. Les gens, ils s'aventurent dans des flots qu'ils contrôlent même pas. Ils vont en concert, ils s'étouffent. One shot. Comme ça, y'a pas de détails. T'arrives, tu tires. Et tu sais où tu vas. Ouais, le Sinomob dans les bacs. Juin, VIP. Ah, c'est novembre. RND, Gros Salim, DJ. Aïe. Wesh, Nino Bone. Je suis avec ton petit frolo, on gelé à l'œil. Maze, Minus. Wesh, Agoro. Maze, Mad Max. Eh, la Chine de guerre, salopard, rappelle-moi, ça fait une semaine. Yeah. Oh. Moi, je suis pas là pour être aimé, ni être adulé par des traînées. Je suis de la rue, celle que vous craignez. De son parfum, je suis imprégné. Je vais rester dans l'anonymat, comme Batman et l'homme araignée. Je m'étonne pas de voir mon sang couler. Une lettre s'épargner et saigner. Dès lors depuis, je me suis éloigné. Y'a personne qui va m'épargner. De là où je suis sur la vie de ma mère. Y'a qu'une issue pour moi, c'est gagner. Dis-moi qui sont mes ennemis. Dis-moi qui sont mes alliés. J'ai confiance en personne au jugement dernier. Même mes organes vont témoigner. Bientôt je vais mettre les voiles. Je te laisse traverser à la nage. Plage, hôtel 5 étoiles. Vodka pour mananas. Dans les oseilles, gardez la gloire. Le show business, c'est fouli stérile. Sachez-le bien, je m'en bats tellement les couilles qu'on dirait bien que je vais devenir stérile. Mais qu'est-ce que tu crois, sale fils de pute? Avec le peu de promo qu'on m'accorde, tu croyais que j'allais faire disque d'or. Avec des morceaux hardcore, tu m'as connu pépère. Tu m'as connu des terres, tu m'as connu des terres. Tu m'as vu ses pères, tu m'as cru chez père, Zoulou. Ouais, ouais. Oh les malas, le 6 novembre. 3 millions de frères, famille nombreuse, ils font les malas. Si je me souviens, oh les malas. Ouais, ouais. Oh les malas. Souleyman Beat. Hey. 4 heures du matin, je suis bourré, je parle à mon zgeek. Hey, ouais. Nous, ça complète, on n'est pas des modèles. Mais ouais. Pas mal de dollars, soirée mondaine. Niro, c'est pas ton pote, s'en bat les couilles de ton gay. Je reviens pour les terminer, plus déterminer. C'est la zerminer dans la guerre, fini de faire briller tous ses faux frères. Je vais mettre au beurre, coffrer des E pour être au vert. Bien conscient qu'ici, barrel est offert, poteau. On a déjà tous bu la tasse dans le ghetto. J'ai pas fait du rap, j'aurais fait ma place dans le béton. J'ai grandi qu'avec des putains de rap, pas de mytho. Un million d'euros, tu m'en verras pas de sitôt. Intimide les femmes et les folles. Appel anonyme sur mon téléphone. Ta pétasse a volé mon numéro, je l'ai jeté en l'air même si elle était bonne. Sur la terrasse d'une soirée par où rabat de Sarah, j'allume une galop. Je regarde en l'air, mes yeux restent ouverts. Monsieur Novo, sur les carreaux. Ils sont pleins d'élation, ils sont pleins d'élation. Pour les soigner, j'ai pas la solution. J'attire le monde comme une interpellation. Je suis pas une révélation, je suis une révolution. Mais ouais. Oh les malas. Oh les malas. Oh les malas. Oh les malas. Oh les malas. Si je me souviens, c'est Novo. Y'a Bello, Kennedy, Dede Long Beach, Cochi. Ça bouge pas, d'un poil, le 6 novembre, si je me souviens. Paix à tous les vrais rays qui soutiennent. Fuck les autres. Discret mais jamais d'œil. Le 6 novembre. Ouais, ouais. Et déjà en précommande, l'album Si je me souviens, l'album de Niro, où vous retrouverez donc ce morceau haut les mains et puis un titre inédit qu'on vous passe dans un instant. Si je me souviens. Et voilà, c'est le nom de l'album à découvrir d'ici quelques minutes. Je voulais juste faire un petit récap. Vas-y. Un petit récapitulatif, peut-être. Voilà. Récapitulatif. Voilà, en fait, la date du 6 décembre, c'est pas bien. En fait, c'est le 11 décembre, c'est à Fribourg, au Chaos Club. Voilà. C'est pas la même date ni le même lieu. Rectification, le 11 décembre à Fribourg, au Chaos Club. Bon, toujours en Suisse. Dédicace à Archetype Entertainment. Voilà, force à Archetype qui nous suivent depuis un certain moment déjà. Force à vous. Niro avec nous et je vous présente maintenant Dylan, c'est ça, de Drancy ? Ouais, ouais, c'est ça. Bienvenue dans ce Planet Rap. Ouais, ouais, Dylan. Merci. Tranquille ou quoi, Niro ? Ah là là. Ah là là, frérot, ça va ou quoi ? Ouais, on attend l'album. Ah, c'est dingue. Tu as bien noté la date ? Absolument pas prêt, mon petit gars. Non, c'est noté. Ouais, ouais. 6 novembre dans les bacs et toi on t'écoute rapper maintenant, c'est parti Dylan. Ok. Oh. D-Y-L-A-N. Ça fait. Oh. Yeah. Ça fait les bonhommes, ceux-ci, ceux-là. Mais quand tu tombes, dis-moi qui reste là. Tu peux avoir des gros becs, des gros bras, un mauvais coup négro et tu tombes dans le coma. Quand ça parle rap, mes négros sont là. Tes potos savent très bien que tu fais pas le bois. Arrête de faire le stock, mal que tu fais, ça paye pas. Va faire de la mala et casse-toi de là. Coup de marteau dans ton front si tu touches à la mama. J'ai les gros bien déguisés comme des piranhas. C'est pour rappeur, vous venir dans mon estomac. Demande à ta meuf, la puta cana. Tu peux rien faire, on est pas dans un film de cinéma. Pouah. Et c'est dans un bras de sang que tu te noies. Si tu vas en conseil, laisse tomber la guérilla. Je rappe pour moi-même, mes gars et la famille. Donc rien à foutre. Tu valides pas, tu fais pas mieux que moi, j'enterre ton rap de cette fois. 2016, y'aura des dégâts, Fabulous, Dream Music. Si tu connais pas, éloigne-toi, t'approche pas, ne fais pas, le trompe pas, mec. Je te jure que c'est mieux pour toi. Bah ouais, que c'est mieux pour toi. J'ai vu mon père se lever tôt et rentrer tard pour une paille de flemmard. J'suis bien à la case des bars, mais je veux devenir une star. Et si ça marchait pas, tu me retrouveras au Tchécard. J'ai pas joué toutes mes cartes, des terres comme un pack-pack. Laisse-moi 3 ans et je les épaules, je les vois tous qui jappent, qui font couvrir leur chatte. Bientôt, je passe à l'attaque. J'ai la dalle, j'ai la niaque, j'suis maniaque sur mes couplets. J'aime quand tout est propre, j'aime quand tu bouges ta tête. Faut que je m'éloigne, qu'on m'épargne, faut qu'on soigne très vite mes plaies. J'suis pas invité, mais je vais quand même niquer la fête. D-Y-L-A-N, oui, c'est moi-même. T'as pas vu ce que j'ai vu et j'ai vu ce que t'as pas vu. Toi, il était critique, j'vous mets la quenelle. Tu parles comme si t'avais déjà tout vu. Ah Dylan à l'instant de Drancy avec son backer derrière. Hein. Gros, je peux te dire qu'il kick. Déjà organisé, ouais, Dylan. Il rap, big up, mon gros loup. Ouais, super. Bravo, ouais. Dylan, si t'as des dédicaces, envoie, frérot. Vas-y, ouais, si on peut te retrouver sur net aussi. Ouais, des grosses dédicaces à mon gars Silox du 9-1 et son poteau Blacky. Ouais. Ouais, bon, t'as toutes les fumeuses qui courent derrière, tu vois. Bon, mon gars Carlos aussi. Mon enfant, JMH. Ah ouais. Et voilà quoi, ouais, des force grosses toi, dédicaces et voilà, merci. Et force à tous les frères de Drancy. Voilà. Ok, merci et bonne continuation pour toi. Inch'Allah mon frère. Salam. Merci à toi Dylan, passe une bonne soirée, ciao. Niro avec nous entre 20 et 21, on avait promis donc ce titre inédit. Ah frérot, carrément je vais mettre le casque. Alors mets le casque. Je vais me concentrer parce que ça c'est mon morceau. Donc celui-ci s'appelle Si je me souviens, c'est aussi le nom de l'album. Celui-ci s'appelle Si je me souviens. D'ailleurs pour tous les frères qui m'écoutent autour de chez moi, ça va vous rappeler des souvenirs. Voilà, si je me souviens, c'est que des souvenirs de mon parcours. Et c'est aussi une manière de dire qu'on se rappelle de tout. Voilà. Niro. Ouais, et Niro. Ça maintenant. Vrai pour de vrai. Exclu dans Planète Rap, Si je me souviens. Ça sort le 6 novembre. Et une spéciale à Will Star. Et à toi, frérot. Bienvenue pour la force. Jeannot. À Jeannot. Ouais. Si je me souviens, classique. Nos ghettos étaient pas les mêmes. Je me rappelle en 99. La nuit j'entendais. Ah. En bas de mon immeuble. Le 6 novembre. Je me rappelle de la violence et des armes. Quand les rares de l'air en noix c'est mes potes. Je me rappelle quand je les comprenais pas. J'ai compris qu'on se fait du mal quand on se connaît pas. Malgré la zermi, les sous c'est la bague. Voilà qu'on tapait des bas. Ta famille passait au béton. On baissait la tête, on se la racontait pas. Eh ouais. J'ai pas 1500 le béton. J'ai vu la rue les escorter. Eh ouais. Du sable et du sang par terre. J'ai vu la mort les emporter. Je me rappelle ces journées pétées. Quand on coursait les cups à Kennedy, Dédé. Ça les a fait qu'on les prend en plein été. Ils ont profité pour garder des jours d'été. Quelque part où aller, rayon y était. Y'a haja à faire direct, on s'y mettait. Je vendais leur conso, y'avait pas de sous-métier. Que le bitume et leur tête de con sous mes pieds. Parce qu'à l'époque y'avait pas d'iPhone, pas d'iPad, pas d'ordinateur. Les grandes chez moi tiraient sur les condés par la fenêtre de chez leurs géniteurs. Ces bâtards nous rendent des visites, des matraques, des gazeuses et des coups taser. Ils voulaient nous coller, tentative d'homicide, un star faire l'homme. On était même pas majeur, voilà la chute. Avoir un fils et prendre des loves et moi à part un du buzz. Je suis fier de mon parcours quand je me rappelle que j'ai grandi au bled. Pas besoin de feat sur l'album, allez on y va. Ça piche qu'on charbonne, qu'on fournit de la bonne. Sortez vos gibbons, qu'on fuck les divas. Faut que t'as chicha boom, y'a plus rien qui va. Trop violent pour ton festival. Ils ont beau faire ça, j'ai aucun rival. Ils font ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent. Fin du débat, chercher l'amour de la France à la rade. C'est comme chercher l'amour dans un film de boule. Une mère de famille m'a traité de salade. Ils veulent me voir intégré comme Jamel de Bouge. J'aurais kiffé poser mon petit couac à la fin. Ouais, ouais. La patte à ton petit fils de bouche. Au lieu de ça, dehors, ça caillasse la panne. Rabat sous pack pack et votre carré de. Ils font les pestes, on les pèse tous à la bonne. Sur le terrain, le vrai assis debout. J'ai pas dit ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit. Le rap de mes couilles, moi j'en ai rien à foutre. J'ai pas la réponse à la bêtise, imbécile, imprécis. Mais assez c'est agressif, après si t'as saisi ce que j'ai dit sur mes 10. Tu sais tôt ou tard, ils l'auront dans leur boule, hein. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. J'en ai vu plein retourner leur veste finit plein. Et à une spéciale, à tous ceux qui nous suivent pour de vrai. Ceux qui nous supportent. Si je me souviens, sans aucun intérêt, ça finit bien. Ah fuck les opportunistes, mon vieux. J'en ai vu plein retourner leur veste finit plein. Le 6 novembre, si je me souviens. Bello. Et une spéciale à Mounaim. Et à toi, mon frérot. Si je me souviens, donc à l'instant, un des morceaux aussi de l'album, un peu plus introspectif aussi sur... Ça, c'est mon son, ça. C'est mon son suprême. Il y en a d'autres dans l'album que j'aime autant que celui-là, mais celui-là, frérot, c'est un résumé de tout ça, en fait. Voilà. Bon, t'es pas le seul à l'aimer, hein. Je vois les messages monstrueux, ce son Moscow Pull Up. Ouais, ouais. Moment de le remettre. Il demain. Déchire ce Niro. Bah, peut-être qu'on le remettra avant la fin. Peut-être, si on a un peu de temps, si Fred et Difool nous laissent un peu la place. Bah, juste avant de retrouver la radio libre de Difool et de faire tourner la roulette, Niro, est-ce que tu es prêt pour le live maintenant? Ouais. Ah, attention, les gens sont pas prêts, je crois aussi. Faites très attention. C'est, quoi, c'est le live de Négatif, mon morceau Négatif. Ouh. Voilà. On va le découvrir maintenant sur Skyrock. Ouais. Négatif, inédit. 6 novembre dans les bacs, si je me souviens. Niro en live dans Planète Rap entre 20h et 21h. On se lève comme ça, on vous met bien, on met de l'énergie. C'est quand tu veux, Moscou. Mesigno dans la place, BBS, HP Londres, ça bouge pas d'entrée. BLO, Champigny, Bola B. Mais All Black des Oliviers. Paix à tous les frères à Marseille. Père mon frère Olongo, Chichakal, Père Moha, Arthur. Père tous les frères Alio, au placard. Eliero, HP. Roulez. Dans la sécheresse qu'on trahisse l'équipe pour s'abreuver. Ouais. Y'a que le rebeu de service qui suce des bites pour pas crever. Ok, discret, je suis resté simple. Respecté dans toutes les zones. J'ai toujours poussé les uns. Jamais jalousé les autres. Hein? Je t'ai dit, que je m'en bats les couilles que tu m'aimes ou pas, gros, pour moi c'est pareil. Je fais partie du peuple le plus détesté de cette foutue planète. Killer, beaucoup de problèmes et très peu de solutions. Mineur, je dormais sur des fusils de guerre, des sacs de munitions. Se raconter de la merde, caillasser les keufs que de la violence pour niquer le temps. J'ai galéré sa mère, je connaissais mieux les blocs que ceux qui habitaient dedans. Je suis du père à trop traîner. Trop fier pour être ému. Y'a beaucoup trop de haine. Dieu la poire m'avait prévenu. C'est négatif. Tout le monde, négatif. C'est pour ça que je fais la diff, je suis négatif. Tout le monde. Street lourd. Négatif. Négatif. Tu veux un feat? Laisse du sang sur le tapis de sol. Un solo comme Bart Simpson. J'suis violent comme à Kingston. J'l'ai fait trembler, j'suis Parkinson. J'te pèse tellement quand tu m'invites en feat. J'vais pas au studio, mal hôtel Hilton. J'ai le pouvoir et quoi après ma bite. Monica Lewinsky, Bill Clinton. Plein m'impressionne, parfois j'me questionne. T'es pas mieux que moi, pourquoi tu me raisonnes? Les yeux ouverts, j'regarde le soleil. J'sors de mon sommeil, j'pense qu'à faire des sommes. Conscient ou pas, j'pourrais rien y faire. J'peux rien changer, dehors c'est le désordre. Raconte-nous pas ta vie de voyou. Ici on se branle pas sur des hommes. Si vous saviez depuis combien de temps je retiens. La France est petite, c'est prêt pour un dep. La France est petite, je peux te localiser. Tu vas te faire tirer dessus pour un texte. Sachez-le bien, moi je fais pas de clash. Si y'a un jazz, ça se passe en interne. On est beaucoup, on a tout ce qu'il faut. Un coup de bigot, y'a des hommes à terre. Eliero, j'suis négatif. Ouais. C'est pour ça que j'fais la diff, j'suis négatif. Ouais. Street lourd, j'suis négatif. Ouais. Salope, nique ta mère. Négatif. Le ghetto survivra même sans les allocs. Wesh à mon sauce, sors de ce coin. Viens me chercher, je suis un pote, j'ai niqué la loque. Je leur ai fait de l'ombre et c'était pas volontaire. T'es ma comment je vais leur faire à long terme. La tête dans les affaires, le cœur sur la main. Les pieds dans la merde, ma bite dans leur merde. Ils font du bruit pour rien, ils sont tous à fond. Gros, il en faudra plus pour m'accabler ou pour me soulever, pousser la fond. Le rebeu est plus lourd qu'un macabre. Moi ce que je veux c'est dormir sur un tas de blé. A chaque album, je me dois de leur rappeler. J'ai frappé fort la putain de sa mère. Je leur ai prescrit un prière à paix. Depuis le départ, que de la frappe. Je suis l'assassin, le médecin légiste. Ils croient tous avoir inventé la trappe. J'avais déjà leur flot dans paraplégie. Kilo d'héros, kilo d'obsessé. Kilo d'héros, bien compressé. Zgag dressé, dans leur fessier. Je ramasse les billets, ramasse les blessés. N.I.R.O. Je suis négatif. C'est pour ça que je fais la diff. Je suis négatif. Ouais. Street lourd, de mauvaise humeur, négatif. Je veux un feat, salope, nique ta mère, c'est négatif. Le 6 novembre, le 6 novembre, si je me souviens, c'est négatif. Eh mon ami, écoute bien ça. Le 6 novembre, eh. 250 E dans la vessie, je sors de nulle part comme un AVC. Je suis monté sans demander ton avis, comme le prix de l'essence et des galaxies. N.I.R.O. Le 6 novembre dans les bacs, ma gueule. Wesh HB, Hamza, Calvis, Fren Fleury, Jean-Mi. Avec nous à l'instant en live, négatif. Énervé. Voilà, énervé. Willstar à la Skyrock pour agir avec le hashtag, allez-y balancer. Je vois aussi pas mal de photos de tes albums et de précommandes qui arrivent, donc les gens veulent les t-shirts aussi. Ouais, ouais, mais on a un public en or massif, hein, comme je le dis souvent. On a un public en or massif, force à vous. Merci à vous de nous suivre. Voilà, que du travail, la trilogie, si je me souviens, tous les featuring, tout ça, on n'a plus rien à prouver, je pense, aujourd'hui. Voilà, c'est l'heure de concrétiser le truc, donc force à tous ceux qui vont chercher l'album, voilà. Niro, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet Si je me souviens ou est-ce qu'on finit avec Le ciel est ma limite? Franchement, je suis d'avis qu'on remette si je me souviens. Exactement. Pour faire plaisir aux gens, voilà. Magnifique. Le 6 novembre, que des classiques. Allez, c'est la frappe, ça bouge pas. Le 6 novembre, on le répète, c'est l'album de l'année, y'a rien à dire, y'a plus rien à dire mon ami. Force à tous ceux qui précommandent, N.I.R.O. Ouais. Roulez. Nos ghettos étaient pas les mêmes, je me rappelle en 99, la nuit j'entendais, juste là en bas de mon immeuble. Je me rappelle de la violence et des armes, quand les rares de l'air en noir s'aimaient pas. Je me rappelle quand je les comprenais pas, j'ai compris qu'on se fait du mal quand on se connaît pas. Malgré la zermi, les soucis à la bague, on l'a qu'on tapait des bas. Ta famille passait au béton, on baissait la tête, on se la racontait pas. J'ai pas 1500 partenaires, j'ai vu la rue les escorter. Du sable et du sang par terre, j'ai vu la mort les emporter. Je me rappelle ces journées pétées quand on coursait les cups à Kennedy Dédé. Ça les arrangeait qu'on les frappe en plein été. Ils ont profité pour garder des gens d'été. Quelque part où aller, rayon y était. Y'a haja à faire direct, on s'y mettait. Je vendais leur conso, y'avait pas de sous-métier. Que le bitumer leur tête de conso. Parce qu'à l'époque y'avait pas d'iPhone, pas d'iPad, pas d'ordinateur. Les grandes chez moi tiraient sur les condés par la fenêtre de chez leur géniteur. Ces bâtards nous rendent des visites, des matraques, des gazeuses et des coups de taser. Ils voulaient nous coller, tentative d'homicide à Starfer. On n'était même pas majeur. Avoir un fils et prendre des loves et m'en rabattre au buzz. J'suis fier de mon parcours quand je me rappelle que j'ai grandi au bled. Pas besoin de feat sur l'album, allez on y va. C'est que j'en charbonne, qu'on fournit de la bonne. Sortez vos 10 balles, gros fuck les divas. Faut que ta chicha bombe, y'a plus rien qui va. Trop violent pour ton festival. Ils ont beau faire strap, j'ai aucun rival. Ils font ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent. Fin du débat, chercher l'amour de la France à la rade. C'est comme chercher l'amour dans un film de poule. Une mère de famille m'a traité de salade. Ils veulent me voir intégré comme Jamel de Boucherie. Et qui fait poser mon petit coin à la fin. Bibi de la patate, ton petit fils de bourre. Au lieu de ça, dehors, ça caillasse la bac. Rabat sous pack et vodka Red Bull. Ils font les pestes, on les baisse tous à la passe. Sur le droit, le vrai s'assit debout. J'ai pas dit ce que j'ai fait tout ce que j'ai dit. La de mes couilles, moi j'en ai rien à la foutre. J'ai pas la réponse à la bêtise, imbécile, apprécie, mais assez agressif. Après si t'as saisi ce que j'ai dit sur mes 10, tu sais que toi ou ta haine leur ont dans leur bouche. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. J'en ai vu plein retourner leur veste, Philippe plein. Le 6 novembre, Fais à tous ceux qui soutiennent pour de vrai. Depuis le début. Si je me souviens, Inch'Allah, pour nous ça finit bien. Bello. J'en ai vu plein retourner leur veste finit plein. Une spéciale à tous les quartiers de France, à tous les enfermés. Force à vous, Tichakal, Moha, Arthur. Ah, ça bouge pas d'un trait, les frérots. Force à vous. Wacha Kenza, wacha Poisson, mon frérot Poisson. Niro est donc ce morceau qu'on a pu découvrir en exclu ce soir. Ça sort le 6 novembre, c'est le nom de l'album Si je me souviens. Ouais, ouais, si je me souviens. Niro, voilà. T'as pris personne ce soir en ligne. Pourtant, ça n'a pas arrêté de sonner. Bah voilà, on va 06 faire 71 74 voilà. 84 15. Allo, allo. Allo, allo, allo. Salam alaikum, salam alaikum frérot. Ça va frérot? Je m'appelle en direct de Lille. Ouais frérot, salam à tous les frères de Lille. Ça va ou quoi frérot? Ça va, ça va. Alhamdoulilah. Bah vas-y, envoie tes dédicaces frérot, toute la France à t'entend, voilà. Ouais ouais frérot. Ouais ouais. Et Bombe aussi, Bombe et Jordan. Ok frérot. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Garpèze. Ok frérot. Ok. Ouais, ouais. Bon, bah, force à tous les frérots de Lille et à tous les frérots du Nord, Roubaix. Force à tous les frères là-bas qui nous écoutent. Salam alaikum, que de la puissance. Ouais, merci frérot, merci, force à toi. Salam frérot. Merci, en tout cas, voilà, c'était bien de prendre ce petit coup de fil, regarde Niro. Bah ouais, spontané, t'as vu. Pour finir en beauté, on va saluer aussi les Yen qui étaient là avec nous ce soir et qu'on retrouve donc sur Haute Culture en attendant aussi ouais. Rof qui sortira. Ouais, ouais, ouais, l'album de Rof, là, le 4 décembre. Donc, c'est l'album, ouais. Hein, c'est le mixtape. Oui, c'est le mixtape, ouais. Parce que c'est pas une mixtape. J'ai ouais. Écouté, c'est pas une mixtape. Et gardez toujours un œil sur le frérot Rachid, la Yen, parce qu'il est très très fort. Et si le frérot Rof, il valide, c'est pas pour rien, c'est vraiment. 9-4, ma gueule. Ouais, dis, merci à toi Niro. C'est la puissance du 9-4. Mais franchement les gens, allez acheter l'album de Niro. Inch'Allah. Allez-y, arrêtez vos conneries. Il faut y aller. Non mais c'est vrai, il faut y aller. Faut arrêter, le mec il est au-dessus, il faut dire la vérité. Merci force à toi Layen, en tout cas d'avoir été là ce soir dans l'émission. Niro, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Oh, voilà, Skyrock t'offre la révélation de l'année, Nekfeu. Quoi de neuf, c'est ce bon vieux feu. En concert près de chez toi. Allô, c'est Jess de Toulouse. Salut Fred, ça va? Ça va Jess du côté de Toulouse? Ouais Jess mon pote, ça va? Salut, salut, salut Niro, salut Yayen, ça va? Ça roule ou quoi frérot? Ça va, bon, ça ce va, soir tu tournes pas la Sky Roulette, tu tournes la Sky Boulette ce soir. On t'envoie une boulette. C'est la Sky Couillette? Ça va. C'est le même principe, faut dire stop, c'est simple hein, Jess, on y va, c'est parti. Dès que tu veux. D'accord. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case Jess, c'est... Eh ben c'est la tournée de Nekfeu, deux places pour aller voir Nekfeu du côté de Toulouse, oh Jess. Eh hey, j'ai envie oh, de te ça... dire, on va te rajouter un petit t-shirt script lourd comme ça. Allez, voilà. Te présenter oh, voilà. Le concert. Ah, ah, ouais. C'est beau ce soir. Eh, Psartek, ah, franchement, t'as gagné, mon vieux. Ah ouais, t'as, oh, un, beau merci, t-shirt, gars, t'as un beau t-shirt. J'ai envie de dire, concert. Jess, tu es refait. T'es refait, ah, mon vieux. T'es refait, ma tu as bien noté quand sort le projet de Niro, si je me souviens, Jess. 6 novembre 2015. 6 voilà. novembre 2015, parfait. C'est la semaine prochaine, vendredi prochain, exactement. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Bah, je fais une dédicace déjà à Niro, à la Yen. Merci, une frérot. Dédicace à mon poteau Thibaut de Toulouse, à ma copine Cecilia d'Espagne, à tous mes poteaux, à toutes mes familles et tout. Et franchement, merci, ça fait super plaisir. Merci à toi, frérot. À bientôt, Jess. A bientôt et bonne continuation. Yes. Ciao, ciao, passe une bonne soirée. Merci à vous tous. Niro, est-ce qu'il y a encore 2-3 petites dédicaces pour conclure cette soirée dans bah, franchement, je vais clore ce soir en dédicaçant ma maman, comme d'hab, ma reçue, ma femme, mon fils et tous mes frères qui me soutiennent. Et tous les frères incarcérés, tous les frères au placard, tous les frères dans tous les ghettos de France qui charbonnent, qui jalousent personne. Voilà, donc force à vous. NIRO dans les bacs le 6 novembre, si je me souviens. Merci Fred, mon frère. Et merci à toi. On se retrouve demain un petit peu avant 20h. Je rappelle aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer sur l'adresse mail de planetrap@skyrock.com. L'adresse mail, vous envoyez les photos de la trilogie de Niro avec en plus la précommande. Faites capture d'écran de la précommande du projet, si je me souviens. Et vous repartez donc t-shirt, hein, c'est ça, si voilà, on envoie tout ça. Ouais, ouais, ouais, on vous envoie des t-shirts. On vous envoie des coffrets bientôt. Ça va être à la sortie, si je me souviens, on vous envoie la trilogie. Plus, si je me souviens, dédicacé. Voilà. On est grand. Ah, c'est... On va dire quoi quand même. Attends, il faut quand même fixer une limite. C'est pourquoi les 20 premiers, on va dire, les 10 premiers. Les 20 premiers. Bon, vas-y, allez, on y va pour les 20 premiers. 20 premiers, parfait. Ce soir, il y en a qui seront validés déjà. Ça marche. Merci à vous en tout cas pour cette soirée. Merci Layen, merci Mosco, merci Teddy Corona, Mista Flo. L'album, si je me souviens, le 6 novembre dans les bacs, on vous le répète, allez le chercher. C'est un vrai album. C'est pas des albums communs. Donc allez le chercher. Il est violent, il est violent. Il est violent, violent, c'est la violence suprême. Passez une bonne soirée. Là, nous allons retrouver Difool. C'est parti pour la radio libre. Et ouais, frère, yes. Ça y est, on est là. Hein. Ah, bah, ça y est. Ouais. Ça y est, c'est parti. Oui, tu entends déjà la magnifique voix douce et romantique de Romano pour un mercredi. C'est normal, il y aura un clash tout à l'heure. Le prince du hip-hop est dans la place, bébé. Marie qui est déjà morte de rire, qui se fout déjà de la gueule de tout le monde. C'est bien, tu as raison, Marie. Exactement. Je suis morte saoule. Et surtout, Cédric est là aussi. Ouais. Karim, Samy, Momo, bah, tout le monde est là. C'est parti dans un instant. Radio libre et rendez-vous demain pour Planet Rap. Yes. Et radio libre, dans un instant, ça démarre. Attention. À tout de suite. À toutes. Il les appelle dans toute la France.